kii nag benn gelle woon quoi, ñëw gane si woon xam nga rek kaaw bi gaa ne ñëw quoi yeewu rek gaa yi ne ko xam nga ñu ngi defar ay omelette quoi xam nga maîtresse de maison bi laaj ko nag quoi soxna si te fee quoi la nga bugg omelette sur le plat wala brouillée wala la nga bugg ah xamul nag moom lu yàqu na pas sur le plat defal ko sur le plat quoi ndaw si ñëw xam nga ak ñaari nen yi sur le plat xam nga affaire bi xawoon ndaw quoi mu lekk nen suurul quoi le lendemain pareil lan nga bëgg sur le plat wala kii mu ne ah man teg maa defal dans la baignoire rek ndax mu sa kan